Portrait d'assaut sur Fadjet. Terre de Lumière, c'est une toute jeune association étudiante qui a été créée tout récemment, en février 2025. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Clémence. Bienvenue Clémence. Merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Donc moi c'est Clémence, je suis la secrétaire de l'association Terre de Lumière. Le but de cette association, c'est de soutenir l'alphabétisation des femmes et des enfants dans le monde, donc sans faire attention à la religion, à l'appartenance ethnique ou autre. C'est une association qui est, comme vous venez de le dire, très jeune, donc elle date de février 2025. Il faut savoir que c'est une association étudiante, donc c'est plusieurs campus sur Nancy, Metz et Forbach qui sont réunis. Et en fait, c'est un de nos intervenants qui nous a poussé dans ce projet. Donc c'est Alain Ebezen qui nous a poussé. Et en fait, à la base, il voulait organiser quelque chose d'un peu différent pour les étudiants, parce qu'il voulait sortir un peu de ce cadre scolaire, faire quelque chose qui changeait un peu. Et il est parti sur cette idée de mission humanitaire. Donc notre premier projet, c'est de partir à Rabat, donc au Maroc. C'est ce prof-là qui nous a poussé, parce que donc, c'est des CFA, nos écoles, donc c'est des formations en alternance. Et dans quel domaine ? Moi, je suis en marketing, je suis en dernière année de master, j'ai quasiment fini. Mais il y en a qui sont en master 1, il y en a qui sont en bachelor, que ce soit en RH, en commerce. Enfin, c'est vraiment... nos écoles, c'est globalement du commerce, mais il y a aussi toute la partie RH, etc. Donc c'est lui qui nous a poussé, et en fait, ça s'est fait très très vite, parce qu'il nous en a parlé en janvier, et en fait, il y a eu un engouement. Et en février, tout s'est créé, on a fait les élections pour avoir le directoire, donc la présidente, le trésorier, et la secrétaire, donc moi-même. Et puis tout s'est mis en place, on a organisé des événements. D'ailleurs, notre dernier événement, c'était là, vendredi dernier. Ça s'est super bien passé, on était très très heureux. Franchement, l'organisation, on a géré, on était plutôt fiers de nous. Et surtout, il y a eu du monde, et ça, franchement, c'était vraiment une très très bonne soirée. Tout le monde était très content. Et c'était un peu le point final, parce que là, la mission de solidarité internationale, c'est en septembre qu'on part. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui part. Moi, par exemple, je pars pas, parce que j'ai mes examens à ce moment-là. Donc c'est pas possible, mes études sont quand même plus importantes. Mais oui, là, faut qu'on réserve rapidement les billets d'avion, parce qu'effectivement, on est une association, donc on a des budgets quand même restreints. Donc là, c'était notre dernier événement pour récolter des fonds. Après, on a toujours une cagnotte qui est ouverte, qui est accessible depuis notre compte Instagram, qui est terredelumière.asso. Mais globalement, là, on a récolté assez de fonds pour pouvoir partir au nombre de personnes qu'on pensait partir, c'est-à-dire 8 personnes. Le projet est plutôt une réussite pour l'instant. Maintenant, on attend quand même d'être parti sur place, mais je pense que ça va être très beau. Et il y aura des belles images qui vont nous transmettre de là-bas. Voilà, une création d'association express qui a vu tout de suite des résultats derrière avec cette concrétisation en septembre, ce voyage. Vous avez déjà eu avant, vous Clémence, une expérience associative ? Jamais, et d'ailleurs c'était un peu ça la difficulté, c'est qu'au final dans l'association, personne n'avait jamais eu d'expérience associative. Et certes, c'est notre intervenant qui nous a poussé, mais il faut savoir que lui, il restait très en retrait. C'est-à-dire qu'il était quand même là pour nous aider, nous conseiller, mais globalement, c'est nous qui avons tout géré de A à Z. Et c'était vraiment une première expérience pour nous. Et c'est aussi pour ça, moi je vous ai dit, je peux pas partir. Mais si je l'ai fait, c'est aussi parce que j'avais envie d'avoir cette expérience associative. C'est quelque chose, non seulement professionnellement, ça va nous aider, parce que c'est de la gestion de projet, très clairement. Mais en plus de ça, je trouve que humainement, ça nous a aidé à grandir. Puis j'ai rencontré des personnes super, parce que moi je suis à Nancy à la base. Tous les autres qui sont à Metz. Donc clairement, je les aurais jamais rencontrés sans ça. Et oui, c'était vraiment toute première expérience, que ce soit pour moi ou pour les autres personnes. Vraiment, c'était tout nouveau pour nous. Une sacrée dynamique. Donc, vous avez dit qu'il y avait une soirée la semaine dernière. C'était quoi comme soirée, C'était une soirée sur le thème marocain oriental. Donc, on a organisé tout ça de façon à ce qu'on respecte bien le thème. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte d'avoir des mets orientaux. Donc, tout ce qui pouvait se rapprocher de près ou de loin à l'Orient, au Maroc. Ça a été fait par nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire que c'est les bénévoles qui ont fait à manger, qui ont acheté à manger. C'est aussi certains parents qui nous ont aidés. On a fait un défilé parce qu'on a eu un petit partenariat avec Miss Univers Lorraine. Donc, elles sont venues pour défiler avec des tenues traditionnelles qu'un prestataire nous a prêtées. Il y avait du henné, on a fait une tombola. Franchement, il y avait un peu de tout, mais c'était vraiment une belle soirée. Bon, pour le coup, c'est pas moi qui ai le plus participé à celle-là, parce que j'étais en plein dans mes examens. Mais c'est surtout Talia, notre présidente, qui a vraiment, vraiment, vraiment géré sur l'organisation de cet événement. Et c'est surtout grâce à elle. Bon, c'est pas que grâce à elle, parce qu'il y a plein d'autres gens qui ont aidé. Mais c'est elle qui a mis le plus dans cette soirée. Et je pense qu'elle peut être très fière d'elle, parce que franchement, c'était un succès. En septembre, ça va être la concrétisation, ce voyage. Qu'est-ce qui va se passer là-bas, à Rabat ? Ils vont être accueillis par une association locale, donc une association qui travaille avec un organisme qui nous fait partir. Donc on leur verse une cotisation, mais la cotisation sera pour l'association sur place. Et en fait, cette association, elle travaille avec plusieurs organismes locaux, donc soit des associations pour aider les femmes et les enfants à l'alphabétisation, ou avec des centres de jeunes. Et en fait, on va aller là-bas, il y a des ateliers, on a un programme qu'on va devoir faire, et on va les aider, que ce soit en langue française, en anglais. Et on va aussi faire des activités ludiques, donc on va leur organiser des activités sportives, etc. Et ensuite, ça va être aussi en fonction des compétences des personnes qui vont partir. Comme exemple, s'il y a quelqu'un qui fait du théâtre et qui est plutôt doué pour le théâtre, on peut leur organiser des activités par rapport à ça. En fait, on va être pris en charge directement là-bas et ça va être vraiment plus soutien scolaire que des activités ludiques, mais ça va aussi en faire un peu partie. Mais c'est surtout du soutien scolaire. C'est une première étape, ce voyage? C'est une toute première étape. Alors, on espère que ça va perdurer. C'est vrai que ça a été un peu, bah, comme je vous ai dit, ça a été express. Oui. Nous, on est tous en alternance, donc on travaille en même temps, on a nos études. Donc, c'est vrai que des fois, ça a été un peu stressant. Je pense que, bah, que ce soit Arthur, le trésorier, Talia, la présidente, ou moi, la secrétaire, ça a été nous, les personnes les plus actives, puisque bah, c'est nous le directoire, donc on attendait un peu après nous. C'est vrai qu'il y a des moments où on a peut-être eu un peu envie d'abandonner parce que la charge de travail se retrouvait quand même relativement conséquente, mais c'est vrai que là maintenant que la dernière soirée est passée et vu le succès que ça a eu, ça nous a redonné de la motivation et c'est vrai que nous notre but c'est de faire perdurer l'association, donc là on a déjà une association au Togo qui nous a contacté via les réseaux sociaux pour savoir si on serait intéressé pour faire le même genre de projet l'année prochaine, donc pareil organiser une levée de fonds et partir directement au Togo, donc pour pareil un soutien éducatif. Bah nous on est plutôt partant, mais ce qu'on leur a répondu c'est pour l'instant on attend, on fait notre premier projet et une fois qu'on aura vu comment ça se passe, nous on serait plutôt partant effectivement de partir là-bas, surtout que le Maroc, on va pas se mentir, c'est pas un pays défavorisé, mais le Togo c'est vrai que ça serait peut-être plus pertinent et plus percutant, mais si on a choisi le Maroc en premier projet, c'est justement parce que c'est le premier et qu'on voulait pas partir sur quelque chose de vraiment très compliqué à mettre en place, même par rapport à l'accès au pays c'est beaucoup plus simple, donc c'est pour ça que voilà. Mais oui, le but c'est de faire perdurer l'association et de faire encore d'autres missions internationale de solidarité. Et peut-être aussi de transmettre à d'autres étudiants qui sont aussi dans votre cas aujourd'hui. Oui, moi là j'ai quasiment fini mes études, oui. Donc je suis en fin de master 2. Pour l'instant je reste sur Nancy, mais mon projet c'est de partir de la région. Parce que bon, moi j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, donc la Lorraine, voilà. C'est presque pareil. Bon, après je suis quand même née en Lorraine, mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer le soleil et la chaleur. Donc moi je sais que j'ai l'intention de partir, donc il faudra bien trouver quelqu'un pour remplacer ceux qui vont partir à la suite de leurs études, etc. Donc oui, le but aussi c'est de récupérer d'autres personnes au fur et à mesure des années. Maintenant, moi j'y ai pensé bah, là, pas plus tard qu'hier, je me disais si vraiment ça fonctionne bien, pourquoi ne pas agrandir l'association sur le territoire national, et même si je m'en vais, pourquoi ne pas faire un point ailleurs en France, quoi. Oui, le but, c'est de faire perdurer avec d'autres étudiants et avec les étudiants fondateurs. Terre de Lumière, donc comment on peut suivre l'aventure un peu de ce qui va se passer en septembre, je suppose, sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, alors à la base on avait un profil LinkedIn, Facebook et Instagram. Malheureusement, Facebook, je sais pas pourquoi Facebook pense que on n'est pas une vraie personne derrière, donc on n'arrête pas de se faire ban la page. Par contre, on est très très présent sur Instagram, donc c'est terredelumière.asso. Et il y aura évidemment des images de la mission de solidarité au Maroc, donc ça c'est quelque chose qu'on va documenter, etc. Il y a aussi la cagnotte qui est accessible directement depuis notre compte Instagram en description, si jamais vous voulez faire un don, si vous voulez nous aider à faire perdurer le projet. Et on est aussi présent sur LinkedIn, donc Terre de Lumière Association. Si vous deviez résumer cette aventure de moins de 6 mois déjà, en 2-3 mots. En 2-3 mots, alors je dirais, oh, c'est compliqué parce que un ascenseur émotionnel, je pense, ça serait la meilleure façon de décrire ça. Parce qu'au début, c'est l'excitation, on est tellement heureux de participer à ça. Puis après, on se rend compte de la charge de travail qu'il y a. Parce que je pense que quand on s'est lancé là-dedans, au début, on n'avait pas forcément conscience de tout ce que ça demandait. Déjà pas administrativement parlant. Bon, alors ça, on a pu compter sur notre trésorier, sur Arthur, parce qu'il a vraiment, vraiment géré par rapport à ça, par rapport aux déclarations, à la préfecture, etc. Mais c'est vrai que, ouais, je dirais un ascenseur émotionnel, parce que ça a été des moments où beaucoup de joie, après beaucoup d'incertitudes, mais globalement, on retire beaucoup de positif de cette aventure. Donc cette aventure associative, vous la conseillez à d'autres? Oui, franchement, il faut tenter, il faut se lancer. De toute façon, j'ai envie de vous dire, si on n'avait pas réussi, on n'aurait rien perdu. Si vous avez l'occasion, si un jour on vous propose un projet comme ça, ou même que vous avez une idée, tentez-le, faites-le. Franchement, c'est que du plus. Terre de Lumière, merci beaucoup Clémence. De rien, merci pour votre invitation. C'était Portrait d'Assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.